الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فيا أيها المسلمون اتقوا الله حق التقوى وأطيعوه، فما أسعدكم إن أطعتم. واعلموا أن الله تبارك وتعالى يقول في محكم التنزيل: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. وقال تعالى: وقل رب زدني علما. وعن معاوية رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الناس معادن، خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا. متفق عليه. طلب العلم والتفقه في الدين من أولى المهمات وأعظم الغايات، لذا جاء الأمر به في كثير من نصوص الكتاب والسنة. إن الاهتمام بالعلم الشرعي المستمد من الكتاب والسنة وفهم السلف الصالح هو الهدف الأسمى لكل مسلم يؤمن بالله واليوم الآخر ويريد السلامة والعاقبة الحسنة في الدنيا والآخرة. قال الله تعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. وقال سبحانه وتعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. رواه مسلم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على نبي الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، شيخ مسلمان، Allah nous dit dans le Coran, dans le sens du verset: et les croyants n'avaient pas à tous partir, c'est-à-dire pour combattre dans le sentier d'Allah, Azza wa Jal, mais plutôt qu'une partie d'entre eux reste pour pouvoir apprendre et connaître sa religion, connaître les règles et les lois d'Allah, tabaraka wa ta'ala, pour pouvoir avertir et enseigner et apprendre à leurs frères lorsqu'ils reviennent, afin qu'ils soient sur leur garde. Allah, élevé soit-il, nous dit aussi, dans le sens du verset, il dit à son prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, et dit: ô mon Seigneur, augmente-moi dans la science. D'après Muawiyah, radiallahu anhu, que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit: celui à qui Allah veut du bien, il lui donne la compréhension de la religion. Il lui fait comprendre la religion convenablement, rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Et d'après Abu Huraira, radiallahu anhu, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: les gens sont semblables aux minerais. Les meilleurs d'entre eux, à l'époque pré-islamique, sont les meilleurs d'entre eux lorsqu'ils sont dans l'islam, et lorsqu'aussi ils ont la compréhension et le savoir. rapporté par Al-Bukhari et Muslim. La quête du savoir, étudier la science et chercher à comprendre sa religion fait partie des priorités les plus importantes et parmi les plus grands objectifs. C'est pour cela qu'on retrouve dans beaucoup de versets coraniques et de hadiths prophétiques des textes qui nous l'ordonnent et le demandent. L'importance d'étudier la science religieuse qui découle et tirée du livre et de la sunna avec la compréhension des pieux prédécesseurs est l'objectif le plus élevé de tout musulman qui croit en Allah et au jour dernier, qui cherche sa sûreté, qui cherche à sauver son âme et qui cherche la bonne fin dans la vie d'ici-bas ainsi que dans l'au-delà. Allah élevé soit-il nous dit dans le sens du verset, dit, sont-ils semblables ceux qui savent et ceux qui ne savent pas, ne se rappellent que les gens dotés de raison. Allah glorifié soit-il nous dit aussi dans le sens du verset, Allah va élever ceux qui ont cru parmi vous et ceux qui ont à qui a été donné le savoir de plusieurs degrés. D'après Abu Huraira, radiallahu anhu, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui entreprend un chemin, une voie pour y acquérir une science, Allah lui facilite par là un chemin qui mène vers le paradis, rapporté par Muslim. Allahumma rabbana ila dinika ardan jamila. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتب علينا انك انت التواب الرحيم وفقنا اللهم لما تحبه وترضاه وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الله اكبر الله اكبر. أشهد أن لا إله إلا الله.